Salut, comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, Lost in Space, directement sur votre antenne favorite. Allez, c'est parti. Mannequins are suicide. Mannequins are suicide. If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws, get ready for Eaten Alive. Created by Tobe Hooper, maker of the screen sensation The Texas Chainsaw Massacre. Oh. change the time. You do what you want, go. I read between the lines. I wanna be loved. I be loved by you. I wanna be loved. I be loved by you. I wanna be loved. Be loved by you. I wanna be. Top. I don't care if you're a flop. I do what I got to do, and I'll take care of you. I wanna be loved, be loved by you. I wanna be loved, be loved by you. You, you, you, you. I wanna be loved, be loved by you. I wanna be loved by you. Marty Rushton presents a new horror classic, Eaten Alive. Into this house of terror comes a handful of unsuspecting innocents. Hello? What happens to these people in Eaten Alive will give you the most chilling, terrifying 90 minutes you ever spent in a theater. Thank you. Nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose, c'est que les crimes sont des crimes, c'est qu'il n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin. C'est que l'Europe est solidaire, c'est que tout ce qui se fait en Europe est fait par l'Europe. C'est que s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve. C'est qu'à l'heure qu'il est, tout près de nous, là sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et les petits garçons. C'est que les enfants trop petits pour être vendus, on les fend en deux d'un coup de sabre. C'est qu'on brûle les familles dans les maisons. C'est que telle ville, Balak par exemple, est réduite en quelques heures de 9000 habitants à 1300. C'est que les cimetières sont encombrés de plus de cadavres qu'on n'en peut enterrer. De sorte qu'aux vivants qui leur ont envoyé le carnage, les morts renvoient la peste, ce qui est bien fait. Nous apprenons au gouvernement d'Europe ceci. C'est qu'on ouvre les femmes grosses pour leur tuer des enfants dans les entrailles. C'est qu'il y a dans les places publiques des tas de squelettes de femmes ayant la trace de l'éventrement. C'est que les chiens rongent dans les rues le crâne des jeunes filles violées. C'est que tout cela est horrible. C'est qu'il suffirait d'un geste des gouvernements d'Europe pour l'empêcher, et que les sauvages qui commettent ces forfaits sont effrayants, et que les civilisés qui les laissent commettre sont épouvantables. Break the little baby story. What's the solution? Scream, body. Le moment est venu d'élever la voix. L'indignation universelle se soulève. Il y a des heures où la conscience humaine prend la parole et donne au gouvernement l'ordre de l'écouter. What's right? You fought the good fight. hit the ground. You're sent to Vietnam, it's kill or be killed. You hunt the Viet Cong, the battle rages on. Your buddies die so young, enemy in sight. No mercy for peace has come, cause you fought the fight. Gave it your all, protected what's right. You fought the fight. Protected the nation with all your might. Les gouvernements balbutient une réponse. Ils ont déjà essayé ce bégaiement. Ils disent « on exagère ». Yeah. what would you say? He's a very bad man. Bad man. Au moment où le ministère allait subir à la Chambre le grand assaut dont il est sorti sain et sauf, à ce qu'on assure, un écrivain anonyme du gouvernement, tout rempli de son sujet et livré apparemment à de paniques terreurs, s'est élancé à la tribune du Journal des débats pour nous apprendre que si les passions ameutées se préparaient à ébranler ce pouvoir, qui représente aujourd'hui en France l'ordre et la paix, c'était, après la faute de Voltaire et la faute de Rousseau, le vieux refrain est sous-entendu, la faute du livre de Monsieur Lamennais. Par conséquent, s'écrit l'anonyme avec une emphase fort plaisante, il n'est pas inutile d'appeler l'attention du public sur son livre étrange qui vient d'être sournoisement jeté, avec un titre emprunté à une langue morte depuis 2000 ans, au milieu de la polémique des partis. Stay. Voilà certes un admirable début, ou bien l'anonyme ne s'y connaît pas. Voyez-vous bien, lecteur ingénu, la sournoiserie de l'auteur des paroles d'un croyant. Emprunter son titre à une langue morte depuis 2000 ans. Quelle perfidie! Jeter sournoisement son livre dans les mains d'un éditeur, qui le jette dans celle du public plus sournoisement encore, lequel public le lit avec une sournoise avidité, tout cela au moment où les écrivains du gouvernement tressaillent, palpitent, perdent le sommeil et l'appétit dans l'attente du triomphe ou de la défaite du ministère. Appelons donc bien vite l'attention du public sur cette ruse abominable. Apparemment, le public ne s'apercevrait pas tout seul de l'apparition du livre et du coup qu'il va porter à la position des écrivains anonymes du gouvernement. Snow comes down and rains his house, and the cat keeps trying to get out. There's a mess of plan out in the yard. He's getting that cool, it's getting hard. Well, snow comes down and rains his house, and you outside and leaves no doubt. The driving home is gonna be rough, but all that snow and ice and stuff. Feel like you have a beer or a glass of hot tea. We'll talk about life or watch TV. So we say goodnight, goodnight. I can drive, I'll be alright. I stepped into a snowy night. Turn around, my arms held wide. I go home. So comes down at Ray's house with big time wrestling videos. Should the these guys really do this? She asked me, was I serious? The snow comes down at Ray's house with big time wrestling videos. Should the these guys really do this? She asked me, was I serious? Would you like to have a beer or a glass of hot tea? We'll talk about life or we'll watch it to be. We'll be right back. donc cette soirée pour le lancement des Dialogues avec l'Ange, un recueil de nouvelles que j'ai réuni afin de récolter des fonds destinés à l'école de mon fils, et tous, l'équipe de l'école, l'éditeur du recueil, ma compagne et moi-même, nous étions un peu tendus. Nous ne savions pas si les invités viendraient, si le mélange de lecture et musique en live fonctionnerait, ni si les gens s'amuseraient. Je suis arrivé de bonne heure au Hammersmith Palais et sitôt entré, deux choses m'ont simultanément frappé. Tout d'abord, la salle avait de la gueule. Elle conservait encore l'éclat et les guirlandes d'une grande fête d'entreprise qui s'était tenue la veille au soir. Sur le moment, ça m'a semblé un moyen ringard mais efficace de symboliser la magie. Et puis j'ai remarqué en même temps que Teenage Fan Club, qui avait accepté de jouer un set acoustique et de reporter pour l'occasion un concert en Europe, était en train de faire la balance en jouant « Your love is the place where I come from », une des plus belles chansons de l'un de mes albums préférés de tous les temps, « Songs from Northern Britain ». C'était un bonheur à entendre, l'expression musicale parfaite de la guirlande. Et là, immédiatement, j'ai su que la soirée, loin d'être un flop, serait un moment important. Ce qui a été le cas de tous les événements liés à ma vie professionnelle, elle est devenue l'un des plus mémorables. Going to be a happy little person in the new world is traces of a warrior. You can see it in his cot. So darling, you go out and try and start the revolution. Me, I'll just stay back here, look after what we've got. Two down Fulham. Gotta change things quickly because the mines are on the skids. So all you fellow rebels, you go out and fuck the system. Sorry I can't be with you, but I've got a mind the when baby's 12 years older. What are you gonna do when baby starts to shout? Mummy, mummy, mummy, mummy, where's this new tomorrow? What are you gonna do when baby sucks you out? Across the room. That's a really nice, pretty dress. Well, I saw you smiling. I've never seen you here before. And I was wondering, you know, if you like, you know, oh, no? Okay, well, never mind. See you later. Hey, you new wave, come over here. You're the prettiest thing I've seen all year. Hey, you new wave. Don't turn away. Close those pouty lips and listen to what I say. Why smoke that club cigarette? Why act like you got it holding your head? Tell me, tell me why. With the squares you love me instead. Yeah. You're all shiny and clean. I've seen you in my dreams, but like a Rolls Royce I can't have. Your presence makes me scream. So great, you leave such a bad taste. So great, I don't need you anyway. So great, feed it my purple minute, you're just sour grapes. Well, I refuse to climb the ladder for you. Sour grapes, no, I refuse to pen ball for you. Sour grapes, I need love, don't need no beauty queen. Sour grapes, but still, when I look at you. Right by me, I'm the best of a new wave. So great. Depuis chaque fois que j'entends « Your love is the place where I come from », je repense naturellement à cette soirée. Comment pourrait-il en être autrement ? Et initialement, quand j'ai décidé d'écrire un petit essai sur les chansons que j'aimais, ce qui était en soi une rude discipline, car chacun a bien plus d'opinions sur ce qui a foiré que sur ce qui est parfait, je me suis dit que les textes pourraient fourmiller de correspondances spatio-temporelles évidentes comme celle-ci. Mais ce n'est pas le cas, pas vraiment. En fait, « Your love is the place where I come from » fait figure d'exception. Et quand j'ai cherché à comprendre pourquoi si peu de chansons qui comptent pour moi restent associées à des sensations et des sentiments, je me suis aperçu que la réponse tombait sous le sens. Quand on aime une chanson, quand on l'aime assez pour la laisser nous accompagner tout au long des différentes étapes de notre vie, la répétition gomme tout souvenir spécifique. Si j'avais entendu Thunder Road dans la chambre d'une fille en 75, décidé que c'était ok, et qu'ensuite je n'avais ni revu la fille, ni réécouté la chanson qu'occasionnellement, alors la réentendre aujourd'hui ramènerait certainement à ma mémoire le parfum du déodorant de la fille. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai entendu Thunder Road, je l'ai adoré, et depuis je l'ai écouté à intervalles d'une alarmante régularité. Franchement, Thunder Road est une chanson qui ne me rappelle rien d'autre qu'elle-même, et je suppose ma vie depuis mes 18 ans, autant dire pas grand-chose, et bien trop à la fois. Je me souviens de cette affreuse chanson qui passait tout le temps sur la BBC le samedi matin dans une émission pour enfants et qui s'intitulait, je crois, « Mummy, I want a drink of water ». Je ne pense pas l'avoir réentendue depuis, mais si cela se produisait, elle me rappellerait de façon accablante le gamin que j'étais et qui écoutait l'émission du samedi matin. Il y a une chanson des Gypsy Kings qui me rappelle avoir été bombardé de canettes de bière en plastique lors d'un match de foot à Lisbonne, et de nombreuses chansons qui me remémorent le lycée, ou d'anciennes petites amies, ou encore un job d'été. Mais je n'en possède aucune dans ma discothèque, elles ne signifient rien pour moi d'un point de vue musical. Elles ne valent qu'au titre de souvenirs, et je ne voulais pas écrire un livre sur les souvenirs. Ce n'était pas là le propos. Les gens qui pensent que leur disque préféré entre tous leur rappelle leur lune de miel encore sous leur chihuahua familial, on ne peut que supposer qu'ils ne sont pas en réalité de grands amateurs de musique. Je voulais avant tout écrire sur ce qui, dans ces chansons, me poussait à les aimer, pas sur ce que moi, je plaquais sur eux. And now you're walking, just like a different dog. Well, go ahead now. In a different world with a fancy house and a beautiful girl. I don't like people who float about and in the morning sun I bet you feel left out. And I don't like people who float about like you. I'd like to live in a different world with a fancy house and a beautiful girl, but I'd rather live in another world with you. Place with a fashion sense and a beautiful face, but I'd rather live in another world with you. In another world with you. When the one you your signs on and you haven't got it anymore. Then your face explodes like a time bomb, 'cause she's walking through another man's door. Yeah, I told life people who float about, and in the morning sun she might see that she don't like people who float about like me. Different world with a fancy house and a beautiful girl, but I'd rather live in another world with you. I'd like to star in a different scene, one with lots of lines, if you know what I mean, but I'd rather live in another world with you. refus, de rejet en chaîne, n'est-ce pas là surtout une mise en scène destinée à persuader ces demandeurs de leur néant, à inculquer au public l'image de leur déconfiture et à propager l'idée fausse de la responsabilité, coupable et châtié de ceux-là même qui payent l'erreur générale ou la décision de quelques-uns, l'aveuglement de tous, le leur inclus. À donner en spectacle leur mea culpa auquel d'ailleurs ils adhèrent, vaincus. Yeah. it's the way I know. It's the way I know. I know you wanna look down on me, and just the way that I am. It's the way I know. It's the way I know. I tell you the best that I could. Why can't you understand that maybe I'm a bad life on the outside, excluded from everything you heard? It's the way I know. It's the way I know. It's not the way that's been taught to me. It's just the way that I am. It's the way I am. It's the way I know. Although I'm ashamed, I'm not interested in shame. So you can care and call me now my dad. But there ain't nothing wrong inside my head. Autant de vies acculées, ligotées, tabassées et qui se délitent, tangentes à une société qui se rétracte. Entre ces dépossédés et leurs contemporains se dresse comme une vitre de moins en moins transparente. Et parce qu'ils sont de moins en moins aperçus, parce qu'on les rêve encore plus effacés, gommés, escamotés de cette société, on les en dit exclus. Ils y sont, au contraire, vissés, incarcérés, inclus jusqu'à la moelle. Ils y sont absorbés, bouffés, relégués à jamais, déportés sur place, répudiés sur place, bannis, soumis et déchus, mais si embarrassants, des gêneurs. Jamais tout à fait, non, jamais assez expulsés. Inclus, trop inclus et dans le désaveu. We'll be right back. On ne prépare pas autrement une société d'esclaves auquel l'esclavage seul conférerait un statut. Mais à quoi bon même s'embarrasser d'esclaves si leur labeur est superflu ? Alors, comme en écho à la question qui surnageait plus haut, en est une autre que l'on craint d'entendre. Est-il utile de vivre si l'on n'est pas profitable au profit ? Oh! Ici perce peut-être l'ombre, l'annonce ou la trace d'un crime. Ce n'est pas rien, toute une population, dans le sens goûté des sociologues, conduite en douce et par une société lucide, sophistiquée, aux extrémités du vertige de la fragilité, aux frontières de la mort et au-delà parfois. Ce n'est pas rien non plus d'amener à quêter, à mendier un travail, et n'importe lequel et à tout prix, c'est-à-dire au moindre. Ceux-là même que, le plus souvent, il asservirait. Et si tous ne s'adonnent pas corps et âme à le solliciter en vain, l'opinion générale est qu'il le devrait. Ivanhoe est parti par un soir d'hiver. Il m'a laissé seul avec mon verre. Il a été saqué sauvagement par Dorothée. Mais un jour je le je regarde tout, même sa bâtir. J'attends 8 heures pour mes collègues. Devant mon programme préféré. Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe, Ivanhoe. J'ouvre les yeux, je roule mes pétards. Je me dépêche, j'avance trop tard. Rien de trop beau, Ils ont sacré Ivanov. Ivanov.